Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 91. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un très très gros morceau, puisque ce film, en plus d'avoir remporté la Palme d'Or à Cannes, le César du meilleur film, il a aussi obtenu le BAFTA du meilleur scénario, le Golden Globe du meilleur scénario, le César du meilleur scénario et l'Oscar du meilleur scénario. Donc techniquement, c'est un film qui est fait pour nous. Hein. Je parle bien sûr d'Anatomie d'une chute. Pour parler de ce film, j'ai autour de moi ma petite équipe de procureurs implacables, à savoir Sarah, Fiona et Camille. Anatomie d'une chute est écrit par Justine Triette et Arthur Harari, et c'est Fiona qui nous le pitch. Alors, Anatomie d'une chute nous raconte l'histoire de Sandra, qui est écrivaine et qui a quelques tensions avec son mari. Ils ont également un fils qui s'appelle Daniel et qui est malvoyant. Et les tensions vont quelque peu... Est-ce qu'on peut dire... Dégénérer le jour où on va retrouver le cher mari qui est tombé par la fenêtre, d'où la chute du titre. Et la question est de savoir, est-ce qu'il a sauté ou est-ce que Sandra l'aurait poussé? Et c'est donc toute l'enquête qui va nous tenir en haleine pendant ce film, de savoir est-ce qu'elle a, oui ou non, tué son mari. Parfait, alors comme vous le savez, dans ce podcast, on a trois façons de parler du film. On a d'abord les personnages, puis l'intrigue, puis la thématique. Mais là, pour une fois, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on parle des trois en même temps, parce que j'ai l'impression que les trois sont extrêmement liés. Mais on va quand même commencer par le personnage de Sandra Wolter. Camille, qu'est-ce que tu as pensé de cette brave dame? Alors déjà, j'ai adoré le film. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, ce personnage, parce qu'elle est à la fois hyper ambitieuse, par rapport à son roman, et voilà, elle assume son ambition. Et en même temps, elle essaie quand même d'arranger son mari parce qu'elle a déménagé dans la ville où il voulait, etc. Donc elle essaie de faire fonctionner sa relation tout en faisant fonctionner sa carrière. Et j'ai trouvé hyper moderne. Et oui, elle a des défauts, clairement, mais justement, c'est ça qui fait que c'est un vrai personnage. Et c'est pas... On voit beaucoup de personnages féminins qui sont un peu genre badass. Or, elle, je trouve que c'est... un personnage féminin, entre guillemets, normal, mais brillant. Fiona ? Oui, et de mémoire, il y a cette scène de dispute, je pense, qui est très centrale. Importante, centrale dans le film, la scène de dispute entre elle et son mari Samuel, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et je trouve que c'est beaucoup dans cette scène qu'on voit aussi leurs caractérisations respectives. Et dans cette scène où, justement, effectivement, on voit son ambition et ce que son mari lui reproche aussi, à savoir... donc d'avoir eu des relations homosexuelles. Adultérines ? Non, parce qu'il est au courant. Il me semble qu'il y a une fois où elle l'a trompé quand même. Mais qu'ils étaient plus ou moins d'accord après. Bref. En tout cas, il y a des problèmes dans ce couple. Et que dans cette... Pardon, ça ne parle pas du tout de la caractérisation de Sandra. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Camille. Sandra, elle est, c'est une vraie femme qui existe. Elle n'est pas parfaite. Elle a un petit côté un peu revanchard, un peu prétentieux, un peu piquante. On le voit dès la scène d'ouverture où elle fait cette interview avec, et un peu séductrice aussi, justement, cette première scène d'interview avec la jeune femme qui vient l'interviewer, elle picole un petit peu tôt. J'ai l'impression que c'est un peu tôt le matin déjà, mais on sent que elle n'est pas très heureuse dans sa vie. En tout cas. On sent qu'elle aime le rapport de séduction aussi. Elle aime le rapport de séduction. Elle aime un peu avoir, le contrôle. L'ascendant sur les autres. Exactement, ce qui ne va pas jouer en sa faveur pendant le procès. En tant que mère, on la voit proche de son fils, mais pas non plus, c'est pas non plus une mère poule. J'avoue que j'ai vu le film. C'est pas quelqu'un de chaleureux. Ouais, c'est pas quelqu'un de chaleureux. Voilà, elle est un peu froide, un peu distante. Donc on sent qu'elle aime son fils. Mais elle dégage pas cette image de femme un peu parfaite, épouse et mère comblée et douce. Et je pense aussi que c'est ça qui est intéressant dans le scénario, c'est qu'elle ne coche pas les cases qu'on attend d'une femme éplorée. Et c'est ça qui va jouer contre elle d'ailleurs. Exactement. Pendant le procès. Très bien, Sarah. Alors, comme je l'ai vu il y a longtemps, je vais vous dire ce dont je me rappelle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on entrait dans le film quasiment... En fait, pas vraiment de son point de vue à elle, bizarrement. C'est-à-dire plutôt du point de vue de la jeune journaliste qui l'interview. Et du coup, ça nous mettait une distance tout de suite. Et on avait l'impression d'un personnage un peu arrogant, un peu malaisant, avec cette musique en plus obsédante, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête et que cette scène s'arrête. Alors elle est hyper longue, la scène d'ouverture. Et cette femme, elle est un peu mystérieuse, elle est un peu bizarre. On sent qu'on glisse vers une drague entre les deux femmes, alors qu'il y a son mari au-dessus, qu'on sait qu'elle a un fils. Donc ça nous donne... C'est intéressant parce que c'est pas un personnage où ils font ce qu'on appelle le save the cat dès le début. C'est-à-dire la manière de se projeter dans ce personnage, de l'aimer, en tout cas de comprendre son objectif et de vouloir à tout prix qu'il réussisse. C'est vraiment l'inverse. C'est vraiment... Ouais, on est dans, plutôt dans le point de vue de la personne qui regarde, qui est à l'extérieur et tout, et qui va se poser même la question tout au long du film et du process, si elle a poussé ou pas son mari. Et petit à petit, on va vraiment se mettre à sa place, quoi. Et ça, je trouve qu'ils arrivent vraiment à nous choper et à nous faire aimer ce personnage qui, comme vous avez dit, est très très imparfait, mais qui a énormément sacrifié pour son mari, pour sa famille, etc. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant, assez fin, la manière dont ils choisissent de pas forcément nous faire tout de suite adorer ce personnage et qu'on se dise... Mais bien sûr qu'elle a pas tué son mari, etc. Au contraire, de nous faire douter pour que... Bah, c'est de là que vient tout le plaisir du film, je trouve. Mmh. De commencer à la comprendre petit à petit, tout en doutant toujours du fait qu'elle ait pu assassiner son mari ou pas. En tout cas, heureusement que tu t'en souviens pas très bien. Très bien, alors un mot sur son meilleur ami slash son avocat, Vincent Fena. Pour le coup, je l'ai aussi vu il y a longtemps. Lui, il me paraît un peu plus fade, mais... Ah, je te trouve dur avec lui. Enfin, Plus effacé qu'elle. Il est plus effacé qu'elle et du coup, non, j'ai moins de souvenirs. C'est ça. Voilà, tout ce dont je me souviens de lui, c'est qu'il est amoureux d'elle. Ouais, mais justement, il a cette espèce de dilemme où on sent dès le début qu'il ne la croit pas vraiment et il lui dit ton histoire ne tient pas debout. Il lui dit clairement. Et à ce côté, il lui rend service. Mais j'ai l'impression que moi, c'est ce que j'en ai compris, c'est que si c'était pas elle, il serait barré, il serait retiré de l'affaire, quoi. Et que parce qu'il est amoureux d'elle, il va décider de la défendre, même si j'ai l'impression qu'il y a toujours un pas de recul et qu'il l'a jamais vraiment cru. Non, alors, moi, il a un doute, en tout cas. Je sais pas s'il la croit pas complètement, mais il a un doute. Et d'ailleurs, quand elle se rend compte qu'il a un doute, elle le vit très mal de ne pas être crue. Mais à part ça, c'est vrai qu'en tout cas, lui, sur sa caractérisation de lui-même, à part être professionnel dans son travail et d'avoir donc cet amour un peu vieil amour pour elle, j'ai pas grand-chose sur lui, quoi. Je trouve que c'est assez cool, en fait, ce côté plus effacé, finalement plus gentil, plus posé. Parce que comme c'est que des personnages très très forts, c'est-à-dire Samuel, l'ex-mari, elle-même, Sandra, le procureur ensuite... Du coup, ça fait un peu un contrepoint d'un personnage plus posé qui fait qu'on va petit à petit aussi aimer plus Sandra, je trouve, à travers leur relation. Non, mais surtout que lui, enfin, moi, quand je dis qu'il est fade, c'est pas une critique. Je trouve qu'il a pas besoin d'être plus que ce qu'on nous donne. C'est pas lui qui nous intéresse le plus dans cette histoire. Donc, il joue son rôle. Il est pas, justement, il est pas non plus coquille vide, alors qu'il pourrait l'être. Enfin, ce que je veux dire, dans un mauvais film. Je n'aurais pas forcément dit qu'il est fade. C'est juste qu'il a une énergie plus féminine. Attention à ce que tu vas dire. Et en fait, non, mais il est beaucoup plus doux. Et du coup, c'est intéressant parce que d'habitude, l'avocat, on dit que c'est un peu des rapaces qui vont être hyper agressifs lors du procès. Or, je trouve que son côté gentil, ça contrebalance beaucoup plus avec la froideur, l'apparence. Enfin, elle a une froideur apparente que lui n'a pas. Après, je ne le trouve pas chaleureux pour autant. Enfin, pardon, bien dans ce film. Je trouve aucun personnage personne chaleureux. N'est chaleureux, mais je pense que c'est pas le style. Oui, c'est ça. Du cinéma de Justine Triet, en fait. Même l'enfant n'est pas chaleureux. Oui, non. Mais c'est pour ça que je dis ça, mais. Justement, l'enfant, moi, alors, j'ai mis du temps avant de me rendre compte qu'il était aveugle, en fait. Oui, même problème. Oui. Ah, je m'en suis rendu compte à la minute. Ah, ouais. Je pense que c'est un peu fait exprès. Hein. C'est oui, je pense qu'on mette parfois un petit peu de temps à s'en rendre compte. Mais tu t'en es rendu compte, toi, finalement? Une seconde. Pourquoi? Enfin, comment t'as fait? Bah, il nettoie son chien dans la première scène. Oui. On le voit. Et il ne le regarde pas. Il a les yeux en l'air. Il a les yeux un peu vitreux. Et bon, après, peut-être que moi, j'ai un papa malvoyant. Ou peut-être un truc qui joue. Mais je l'ai toute minute. Hein. Non, parce que je me suis. En fait, je sais pas si c'est ça, mais comme. Ah, mais je pense que c'est ton père. Parce que pour moi, c'était merci, évident. Papa. Pour moi, c'était évident. Mais effectivement, plus j'en parle avec des gens, beaucoup de gens m'ont dit tout de suite. Alors que vraiment, pour moi, c'était une évidence tout de suite. Oui, Amy. Moi, je m'en suis rendu compte quand le procureur, je crois, lui posait des questions sur le scotch. J'ai dit oui. Je fais quel scotch, mais de quoi il parle? Ah ouais, c'était tard là. Oui, c'était tard. Parce que même quand il se promène avec son chien, il y a non, pas du tout. Ah, non, il a déjà les lunettes de soleil, comment tu veux que je sache? Oui, bah, parce qu'il est non, parce qu'il est dans la neige. Mais après, je trouve ça hyper intéressant d'avoir rendu le fils malvoyant parce que au-delà d'ajouter une caractérisation, toute la question du procès, c'est de ce dont il se rappelle, là où il était, et ça jette un flou supplémentaire. Bah justement, je trouve. Et ça lui donne une fragilité. Et justement, je crois parce que justement son témoignage est auditif. Il n'est pas oculaire. Oui, je lui dis. J'ai l'impression que la seule raison pour laquelle ils l'ont rendu aveugle, c'est parce que c'est lui qui apporte le dernier témoignage. Et à ce côté, la justice est aveugle. D'ailleurs, on voit un plan comme ça avec la mère justice et un bandeau. Et on se dit, ah d'accord, comme c'est lui qui va apporter le clou, on en parlera après du dernier. Mais à ce côté, il est aveugle, la justice est aveugle. Et je pense que c'est la seule justification, vu que son témoignage n'est pas occupé. S'il avait été malvoyant, et donc, c'est-à-dire qu'il voit un peu, mais pas vraiment, et donc il n'aurait pas sûr de ce qu'il voit, ça aurait eu un intérêt. Mais vu que c'est auditif. Bah... Il est malvoyant, hein, je crois, il n'est pas 100% aveugle. Bon, bref. Oui, mais... c'est ça. Oui, donc justement, c'est ça que t'entends. S'il avait été témoin oculaire, on aurait dit, le procureur, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé, aurait dit, mais regardez, il voit rien ce gamin. Sauf que le débat qu'il est aveugle ne porte pas là-dessus. Après, au-delà du symbole de la justice est aveugle, c'est aussi pour jouer la culpabilité du père sur l'accident qui a handicapé son fils. C'est possible. Pour rappel, pour Sarah... une des composantes du procès qui lui permet de gagner ce procès, c'est que le mari se traîne la responsabilité parce qu'il avait dit qu'il devait aller chercher son fils, mais il était en retard. Et alors, du coup, je sais plus. Il y a eu un accident de voiture. Oui. Voilà, je sais plus si c'est le gosse qui s'est fait renverser. En tout cas, le père est assez responsable de ça. Enfin, responsable sans l'aide. Il arrive en retard, c'est pas grave, mais s'il était arrivé à l'heure. Mais ce serait pas passé. Elle lui fait le reproche. Elle lui fait le reproche. Parce que je comprends. Le couple est quand même resté ensemble après. Ouais. Mais du coup, le verre était dans le fruit. Exactement, ouais. Mais donc, je pense que l'handicap de Daniel, donc le fils, est aussi lié à ça. Et oui, sûrement, tu as raison, ça joue sur. C'est symbole. T'es allé où ? Pour complexifier l'enquête, t'as fait combien de pas ? T'es allé où ? Ouais. Et mine de rien, en fait, dans cette enquête, on voit qu'il ment. Pour aider sa mère. On y reviendra après. Mais pour, justement, le dernier personnage important, c'est justement la victime, Samuel Lesky. Et là, je trouvais que c'était un tour de force dessus, mais il a une scène. Et pourtant, je trouve qu'on en sait beaucoup sur lui. Quoi. Ah oui, mais cette scène est donc déjà très longue. Oui. Elle est très longue et c'est une scène de dispute où on balance beaucoup de faits, de souvenirs et de reproches, ce qui aide beaucoup, beaucoup à la caractérisation d'un personnage. C'est pas juste une scène où il prend sa voiture pour aller au boulot. Oui, je veux dire. Et on le revoit dans la voiture avec son fils. Exactement à la fin. Ce que je veux dire. Ouais. Ah, exact. Dans les souvenirs. Les souvenirs de Daniel. C'est là la. C'est ça le film. Rappelez-vous, c'est Sarah qui dit ça alors qu'elle a oublié le film. Alors qu'elle a oublié le film. Je me rappelle de quelques moments clés. Par exemple, l'accident du fils, je me rappelle. C'est vrai que moi j'avais oublié, là, je viens de me le rappeler. Effectivement, dans la voiture. Et c'est le témoignage, c'est vrai. Il lui dit, et c'est dit avec la voix de Daniel, il me semble, mais avec l'image du père. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, sans doute. Où il sous-entend qu'il n'exclut pas le suicide. Il va se suicider, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, là, la première scène que j'ai trouvée vraiment, vraiment brillante. Globalement, j'ai adoré ce film. Mais c'est vrai que la première. De toute façon, c'est un film, j'ai l'impression qu'il faut le voir deux fois. Il faut le regarder une première fois en se disant, elle est innocente, et tout marche. C'est-à-dire, toutes ses réactions sont quelqu'un d'innocent. Et si tu le regardes une deuxième fois en disant, elle est coupable, mais tout marche aussi. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a... Et justement, je reviens sur cette première scène où. Quand on découvre le film, on se dit putain, mais quel connard, c'est juste un mec, sa femme est en train d'interviewer, il met la musique à fond pour le faire chier. Mais en fait, quand on regarde le film une deuxième fois, on le comprend ce mec-là parce que, un, il sait que sa femme a tendance à le tromper et à coucher avec d'autres gens, donc il est plus ou moins en train de draguer cette meuf. Et en plus, elle est en train de se vanter, de dire, oh, vous savez, les idées, ça va, ça vient. Et c'est justement ce qu'il lui reproche pendant tout le film, de lui avoir piqué une petite idée pour faire un film. Donc, en mettant cette espèce de musique à fond pour ruiner son interview, en fait, on le comprend une deuxième fois, ça fait un peu cette espèce que j'ai eu en grandissant dans Madame Doubtfire. Au début, on est contre Robin Williams, alors qu'en fait, on se rend compte que c'était lui qui est un peu méchant. Mais lui aussi, en fait, il ne fait que se défendre de façon très mesquine. Mais il se défend contre cette femme. Oui, Camille ? En sa défense à elle, elle a quand même dit, elle l'a encouragé à écrire le livre, elle l'a encouragé à garder son idée, et elle lui a demandé avant. Elle lui a pas piqué l'idée, elle lui a demandé « Est-ce que je peux te prendre ton idée pour écrire le livre ?» Et il a dit oui. Oui, je suis d'accord. Et moi, c'est marrant, je me suis pas dit un seul instant qu'elle était coupable, en fait. J'ai trouvé que pour moi, c'était vraiment une histoire... De son point de vue, elle est coupable. De son point de vue à lui, oui. À lui, Il a toujours été en général de l'avoir tué. De l'avoir tué. Moi, j'ai jamais cru ça. Ce que je trouvais surtout, que c'est cette histoire parler d'un couple, en fait, c'est comment en fait, tu peux prendre des moments d'un couple, extrapoler, pour donner une autre vision qui est un peu injuste, en fait. Ouais, c'est là que la scène d'anthologie du procès où il repasse les messages, ça m'a fait penser à Johnny Depp contre son ex, là. Oui. Enfin, vraiment, c'est très, très, très actuel. Hein. Ouais. Parce que c'est exactement ça, c'est comment tu sors certaines phrases qui ont été enregistrées de manière quand même assez mesquine, il faut le dire, par le personnage principal. Mais c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, tu peux enregistrer, tu peux filmer tes propres disputes, ça en dit long sur nos rapports les uns aux autres, aujourd'hui. Et du coup, enfin... reprendre ces mots-là un peu hors contexte sans avoir l'image et tout, oui. Et te faire un film de ça, et tu sauras jamais vraiment ce qui s'est passé. Et comme lui, il est mort, évidemment, on va rester de son point de vue à elle, et forcément, on est de son côté à la fin de cette dispute d'anthologie. En tout cas, toutes les femmes du cinéma étaient complètement du côté de cette femme. Mais moi, je suis comme Camille, tout le monde voit un peu ce film en disant « Ah, mais alors, à votre avis, elle est coupable, elle est innocente ?» Et moi, pendant tout le film, pareil, j'étais « Bah, clairement, elle est innocente. » Enfin, on ne sait pas, hein. Le seul moment où j'aurais pu douter, c'est justement sur le témoignage du fils où il ment finalement en sa faveur, où tu te dis ah c'est et bizarre. On sait pas trop s'il ment, c'est ça qui est intéressant. J'ai vraiment l'impression, enfin, il s'est trompé en tout cas. Donc pour moi dans ce film, j'ai pas beaucoup d'ambiguïté sur. Je comprends que les autres personnages aient des doutes, mais moi en tant que spectatrice, j'en ai aucun. Je pense que le but du film. C'est justement d'être ambivalent et tu ne sais pas à la fin si elle est coupable ou pas. Bah justement, du coup, le film, si c'est ça le but du film, pour moi, il ne remplit pas son office dans le sens où, pour moi, elle était innocente. Je pense que c'est la thématique. De toute façon, le but du film, c'est vraiment l'anatomie de ce couple et comment il s'est délité et comment ça a mené à un drame, que ce soit un suicide. On en parlera à la thématique, pour moi, il ne parle pas de ça, ce film. Mais juste avant, on va finir sur l'intrigue, parce que c'est un film de procès suffisamment assez classique, en fait. Il y a un meurtre et puis il y a des enquêtes, chacun donne son point de vue. Et puis à la fin, il n'y a pas de meurtre, c'est un accident. C'est un accident, enfin, on n'en sait rien. Et justement, en voyant le film, j'ai compris que ça nous parlait d'ambivalence et je me suis dit, on ne va pas avoir la réponse. Et c'est vrai que là où je vois que c'est des meilleurs scénaristes que moi, parce que moi, j'aurais dit, on n'aura pas le résultat de ce procès. Ça va finir avant la résolution et on ne saura pas. Mais non, ils vont jusqu'au bout. Parce que justement, ce film parle de justice. Et la justice se prononce. Et la justice s'est prononcée. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Ça veut dire qu'elle s'est prononcée à la fin. Et à la fin, quand elle dit elle est innocente aux yeux de la loi, ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment innocente. Et quand elle retourne chez elle, elle est toute seule. Et pour moi, la scène finale, qui peut justement être interprétée de plusieurs façons, peut-être qu'elle pleure de culpabilité en disant j'ai réussi à m'en sortir et je ne le mérite pas. Ou alors, enfin, la justice m'a donné raison. Et c'est toute cette dernière scène dans quoi elle est bien. C'est aucun des deux. Ouais, pour moi, c'est aucun des deux. Pour moi. Non mais pareil, pour moi, justement, d'ailleurs, elle le dit, ils prennent un verre dans un restaurant, enfin, ils fêtent la victoire. Et en fait, pour moi, après ce procès, d'ailleurs, elle dit, et maintenant quoi ? Maintenant rien, en fait. T'as gagné un procès, mais t'as rien gagné. Mmh. Bah si, elle a gagné, elle a évité 20 ans de prison. Quoi. T'as pas perdu, mais t'as pas gagné, en fait. C'est ça la différence. C'est exactement ça, ouais. Et à partir de ça, et c'est presque à partir de la fin du procès, où elle peut commencer, enfin, à faire le deuil de son mari. Ouais. Parce que tout ce moment... Mais c'est sûr, parce que tout le moment... T'as pas le temps de processer. Ton mari est mort, le père de ton fils. Certes, il y avait des disputes, mais ça veut pas dire qu'elle l'aimait pas ou qu'elle l'a jamais aimé. Enfin, ça reste, même si c'est quelqu'un que t'aimes... Même si tu l'aimes plus et que tu voulais divorcer, ça reste quelqu'un qui a été important dans ta vie. Sauf qu'on t'accuse tout de suite de meurtre. Donc t'es dans la défense. La défense. T'as même pas le temps de pleurer ton mort, quoi. Et pour moi, les larmes de faim, c'est... Et maintenant, quoi ? Maintenant, ça fait un an et demi, il faut que je fasse avec le deuil, il me reste plus rien, quoi. Et justement, peut-être que le combat, c'est ça que je trouvais intéressant aussi, du procès, en fait, te maintient aussi, te permet de supporter un peu l'absence, parce que t'es occupé à autre chose. D'ailleurs, c'est ce que les gens qui font... Non, mais quand tu perds quelqu'un, parfois, les gens disent, non, mais tant que tu t'occupes, ça te permet de délayer l'absence, de ne pas trop la voir. Mais là, après, elle est seule avec cette relation qui a quand même été entachée avec son fils. Ce mari qui n'est plus là. Et ce procès, certes gagné, mais qui lui a rapporté quoi ? Rien, si ce n'est une réputation qui ne partira jamais. Elle a tout perdu, cette femme, à la fin. Même si elle a gagné le procès, elle a tout perdu. Surtout que même si ça ne marchait pas, le couple très bien, elle était quand même avec son mari. Elle n'était pas en train de le quitter, donc elle avait encore des sentiments pour lui. Donc il y a quand même un deuil à faire de ce côté-là. Il ne faut pas dire que c'était le meilleur couple de l'année non plus. Ce n'est pas le meilleur couple, mais il y a plein de couples dysfonctionnels qui fonctionnent quand même et qui continuent à fonctionner. Et même elle le dit, il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas, mais elle l'aimait quand même. Aïe, aïe, aïe. Il faut que j'appuie sur le bouton, t'as dit truc. C'est horrible ce bruit. Je regrette de l'avoir utilisé. Très bien, du coup, justement, Camille garde la parole, même si tu as dit le mot interdit. Je me tourne vers ma spécialiste de la thématique. Quelle est la thématique de ce film ? Pour moi, la thématique, c'est vraiment sur exactement ce que disait Sarah tout à l'heure. C'est l'anatomie d'un couple, en fait. C'est comment, en fait, face à un procès et face à des regards extérieurs à un couple, parce que pour moi, on ne sait jamais ce que se traverse réellement un couple que le couple en question. Et là, en fait, le procès et les autres autour prétendent le contraire, en fait, en disant « Oui, mais c'est ça qui s'est passé, ça qui s'est passé. » Par rapport à un enregistrement d'une fois, tu peux pas, en fait, dire que c'était ça le couple, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Et je pense que ça aussi, ça parle de, en fait, de comment, en fait, un couple, on croit savoir qui est ce couple et qui ils sont à travers, en fait, des audios, des petites un livre, des disputes et tout ça, alors que c'est pas vrai, c'est pas, on le saura jamais en fait, réellement. Uh-huh. Mais d'ailleurs, je voudrais parler de Staircase, parce que c'est une série sur Netflix, documentaire sur un mec qui a soi-disant, peut-être oui, peut-être non, assassiné sa femme en la poussant dans les escaliers. Et en fait, ça ressemble quand même beaucoup, parce qu'il y a plein de... truc à charge, pardon, j'ai, trucs, j'ai fait exprès. contre lui. D'éléments à charge, merci, d'indices, ou en tout cas qui portent à, enfin, qui nous font penser qu'il a peut-être tué sa femme. Mais au fur et à mesure, il y a 10 épisodes, donc on a vraiment bien, bien le temps de faire l'anatomie de ce couple et de voir, donc ce que disait Camille aussi, tous les moments qui pourraient te faire penser que non, ils étaient encore hyper amoureux avec sa femme et que, bon, là, il, en l'occurrence, sa femme d'avant était aussi morte en tombant dans les escaliers, ce qui est quand même très troublant. C'est le même escalier mais, et ça passe. Mais je me demande s'ils ont vu cette série et s'ils s'en sont inspirés parce que tous les retournements de situation permettent un peu d'avoir la même structure, en tout cas d'analyse du couple et de finalement à chaque fois, quand on pense qu'on connaît ce couple, et ben non, en fait, il y a encore un nouvel élément. T'as mis rêve ou t'es tranquillement en train de l'accuser de plagiat là. Pardon, mais c'est la C'est un documentaire. Ah. C'est un documentaire. Ah, ouais, et, juste par rapport à ce qu'on dit sur l'anatomie d'un couple, plutôt qu'une chute. Il y a, il me semble que c'est l'affiche et c'est outre cette scène de dispute, presque le seul élément qu'on ait du mari, cette photo. Il me semble que c'est sur la, que c'est l'affiche aussi de la photo où ils rigolent, elle et lui, sont en plein fou, dans un fou rire, une scène très joyeuse et je crois qu'ils l'ont utilisée pour l'affiche. Certaines affiches, pas toutes. Et moi j'aime bien ça, c'est le seul autre élément qu'on ait à part cette scène, il me semble, c'est cette photo d'un moment de joie. Qui en plus elle du coup n'a pas d'audio, n'a pas de mais qui montre quand même qu'ils ont vécu des bons moments, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus parce qu'on s'intéresse juste à la culpabilité de cette scène-là. C'est ça, c'est qu'on prend pas le couple dans son ensemble, on prend que des moments où ça allait pas bien. Et effectivement, ça peigne une image horrible. On se dit bah elle est meurtrière alors qu'en fait on voit pas l'ensemble. Si avec mon ex on avait pris que les moments où c'était extrêmement mal passé, on pourrait aussi en déduire et en tirer des conclusions. Mais justement, c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est un prétexte, ce couple. Pour moi, c'est un film qui parle de qu'est-ce que c'est que la vérité. Et que la vérité est un point de vue. Et c'est justement pour ça que c'est malin d'en avoir fait une histoire de procès. Parce qu'il y a un moment, il faut trancher. Et c'est le but d'un tribunal, de trancher. On ne peut pas laisser en suspens. Il y a un moment, bah, il faut poser un verdict. C'est pour ça que ce film va au bout. Mais on le voit que ce soit, par exemple, cette espèce de tache de sang où tu as deux experts qui arrivent. Les deux sont persuadés d'avoir raison. Ah, et les deux se tiennent. Oui, mais tu vois, ils disent, bah non, regardez, ça prouve que celle qui l'a tué parce qu'il y a ça et ça. Et l'autre expert dit, bah non, ouais, ça prouve que ça et ça et ça. Donc en fait, ça pose la question de qu'est-ce que le réel, qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que, même si tu as l'impression que quelque chose est vrai, c'est faux. Et la vérité est une histoire d'interprétation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement malin d'avoir fait quelqu'un qui n'est pas francophone. C'est-à-dire que, qu'en fait, quand elle parle, je crois d'ailleurs, en plus, je crois qu'elle est allemande. Donc ça veut dire qu'elle est obligée de parler en anglais et il y a une espèce de traduction. Donc même ce qu'elle raconte est interprété. Donc cette espèce de vérité passe par un filtre. Et ils ont refait cette scène aussi pendant la comment on dit qu'on refait une scène de crime ? La reconstitution. Le gamin refuse. Ils sont obligés de remettre la son. Et c'est un flic qui joue le rôle de la mère pour le refaire. Elle dit non, mais c'est vrai, j'ai pas exactement dit ça. Donc tout n'est qu'une affaire. Pour moi, c'est ça dont parle le film. C'est une affaire de chacun a sa propre vérité. Et qu'est-ce qu'on fait quand il faut aller jusqu'au bout et trancher ? Alors moi, là où je te rejoins un peu, mais je n'appellerais pas ça la vérité, mais qui, je pense que, donc pour moi la thématique, je suis d'accord, c'est surtout effectivement l'anatomie d'un couple, je rejoins Sarah et Camille, mais je suis d'accord que ça, le parallèle, c'est la justice. Pour moi, c'est la machine de la justice, quand tu rentres dedans, bah justement, le fait de ne pas pouvoir faire ton deuil, ce processus aussi extrêmement clinique, de mesurer, de faire des tests avec un mannequin où tu as je sais plus si c'est elle qui le voit ou son fils qui l'entend, mais ils font les essais avec le mannequin qui représente quand même ton mec ou ton père. Oui, pour préciser, c'est quand il le jette à travers la fenêtre pour voir comment il est tombé, comment il a pu se péter la tête contre la petite cabane en bois en bas. Et c'est extrêmement violent. Effectivement, ce procureur très désagréable. Mais il est dans son métier. Qui fait son métier, qui vient t'attaquer en reprenant tes faits, ça montre quand même la machine de la justice en marche, qui fait son, je trouve qu'il quand même fait son job, mais qui est très violente. Oui, mais en fait, c'est injuste parce qu'ils appuient sur le fait qu'elle est pas assez féminine, qu'elle correspond pas, et donc je trouve ça vraiment injuste parce qu'il fait exprès de tordre avec une lampe ou je sais pas une déformante en fait. Mmh. Et là où je trouve que c'est pas fair, du coup c'est pas une justice parce que c'est pas avec un regard extérieur. En fait, c'est la justice, avec un prisme. Mais en fait. C'est toujours. Bah, c'est ce qui a été aussi reproché à Outreau ou des choses comme ça. Enfin, d'instruire à charge ou à décharge. C'est forcément ça aussi la justice, c'est que du coup il y a une. En fait, c'est un combat. Tout à fait. C'est un combat et du coup, la justice c'est un combat et on voit ce combat de la justice qui ne laisse pas de place aux nuances en fait. Et à l'objectivité. C'est pas vrai. C'est pas objectif. Mais donc vous me donnez raison. Là. C'est exactement ça. Ça parle de la justice, de qu'est-ce qu'on fait. Le procureur, en fait, on sait même pas ce qu'il pense vraiment de cette affaire. Lui, son travail, c'est d'essayer de prouver qu'elle est coupable. Et il va aller jusqu'à sortir des vieux romans et des vieilles phrases de qu'elle a dit et ainsi de suite. Que tout est bon. Et de la même manière, l'avocat, qui, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, au fond de lui, pour moi, mon interprétation, c'est qu'il la pense coupable. Mais il s'en fout, son boulot, c'est quand même de la défendre. Et ça parle exactement ce qu'a dit Fiona de ce combat. Et pour moi, ce film parle de la vérité parce que le final, c'est ce gamin qui vient apporter ce témoignage final et on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, et pas ce qu'il raconte, parce que ce gamin a été caractérisé comme quelqu'un d'intelligent, même s'il va un peu trop loin parce qu'il va jusqu'à aller presque tuer son chien pour vérifier une hypothèse. Mais il va aller, on ne sait pas, comme tu l'as dit Fiona tout à l'heure, se souvenir s'il est vrai ou pas, mais il avait compris, c'est être le témoignage final et il a choisi pour moi, c'est vrai. Lui-même de sauver sa mère. Et on ne sait même pas si c'est vrai. Et c'est ça que je trouve qui est brillant dans ce film. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie de tout l'intérêt du film, ce que tu dis, c'est-à-dire les interprétations, les points de vue. Après, aucun membre de la justice, je crois, mais je ne me rappelle pas très bien, n'est point de vue. Donc c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on reste quand même dans les deux points de vue du couple. Enfin, non, Samuel, il est mort. Bah, dans le point de vue de Sandra, quoi. C'est quand même elle qui est dur, je trouve, dans ce procès, qui est très intéressant, c'est que, justement, elle est seule à parler de son couple. Donc forcément, elle, c'est forcément... c'est pas objectif complètement parce que elle c'est son point de vue aussi sur son couple. Et bon, après on a cette scène de dispute qui est presque le seul élément effectivement pour le coup de vérité, ou en tout cas qui nous présente comme étant factuel. Ils se sont dit ça, cette scène, pour moi, quand ils nous la montrent, c'est vraiment la seule partie du film où on sait que c'est vrai, on sait que ça s'est passé comme ça. Bon, et après, ça, matière d'interprétation. Moi, j'ai adoré cette scène parce que je la trouve très très bien dialoguée, d'une part. Tout le film est super bien dialogué, mais cette scène, moi, je l'ai trouvée vraiment impeccable, très naturelle et en même temps très forte. Et bon, pour le coup, pareil, à la suite de cette scène, j'étais 100% avec Sandra. Je sais pas, c'est elle qui l'agresse à la fin. Quand... Non, mais tu vois, du coup, c'est marrant. Les mecs sont plus en mode, ouais, bon. Ah ouais, elle l'agresse, mais il est insupportable. T'as envie de claquer. Il se prend pour une victime alors que. C'est elle qui lui saute dessus à la fin. Il lui dit, oui, mais c'est toi. Elle lui dit, attends, t'es sérieux là, on est dans ton bled pourri. Non, mais c'est vrai. C'est insupportable. C'est un énorme choix de vie qu'elle a fait pour lui. Bon, bref. Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir presque refaire la dispute entre gens qui ont vu le film en disant « Quoi ? Mais attends, tu ne te rends pas compte qu'elle a fait ça ?» Du coup, est-ce que vous pensez qu'il a sauté pour... parce qu'il pouvait pour la punir. Qu'elle allait être en procès, en fait. Bah, il a peut-être très malin. Il y a des méthodes quand même sophistiquées. Il aurait pu laisser une lettre s'il ne voulait pas que sa femme aille en tôle. T'as raison, c'est un rageux. C'est vraiment un rageux. Il aurait pu écrire Sandra m'a tué, sans faute d'orthographe aussi, puisqu'il y a un écrivain. Mais non, mais on va arrêter là. Manéa était dans tel égocentrisme, dans sa douleur de « j'ai raté ma vie » comparé à ma femme. Il n'a jamais pensé à elle en faisant ça. Ni à son fils. Plus la culpabilité, encore une fois, de l'accident de son fils, quand même, qui est là. Mais moi, je trouve que... À un moment pareil, justement, les procureurs, c'est intéressant, on s'en sert un petit peu de mémoire pour l'accuser en disant oui, mais du coup, vous l'avez vachement accusé d'avoir fait ça, enfin, vous lui avez jamais pardonné. Il dit bah non, excuse-moi, mon fils est aveugle. Donc, tellement, tu vois. Non, mais de dire bah ouais, c'est hyper dur, il se passe quelque chose comme ça dans ton couple, même si c'est pas vraiment de sa faute, tu peux pas t'empêcher de te dire oui, mais si. D'ailleurs, c'était finalement elle qui était la plus objective. Sandra, parce que c'est elle qui a dit bah oui, j'en veux à mon mari, oui, je l'aime, mais je lui en veux, et ça se passait pas si bien que ça. Et elle est presque la plus sincère. Oui, et juste pour revenir aussi, pardon, sur la machine de la justice, je veux dire, qui était violente, etc. Pour moi, c'était ça aussi. C'est justement, on est obligé de parler de leurs préférences sexuelles et de leur mode de fonctionnement, de leurs activités sexuelles, voire de couple libre ou pas, machin, les infidélités devant son fils. C'est très difficile, quoi. Et bref, ça montre bien, je trouve, que dans cette recherche justement de vérité, tout le monde se fait broyer et qu'à la fin, il n'en reste rien. Mais oui, mais merci, merci de me donner raison, Fiona. Parce que moi, je parle de la machine de la justice. Bien, oui. Le dernier argument que j'ai, c'est que les scénaristes, on décide d'après leur personnage, que ce soit Sandra ou donc, j'ai oublié comment il s'appelle, Samuel. Le mari, Samuel, c'est les vrais prénoms des acteurs. Et donc justement, en faisant ça, ils donnent un message en disant toi, donc l'actrice, tu joues un rôle de ce rôle-là, mais la personne qui est au tribunal doit aussi jouer un rôle. Parce qu'on la voit mentir, on la voit dire que le bleu qui est là sur le bras, en fait, bah non, je me suis cogné contre Amim devant son ami avocat qui est censé connaître la vérité. Elle dit non, regarde, je me suis cogné là, tu vois. Alors qu'en fait, on apprend plus tard qu'en fait, il s'était déjà battu. Donc il y a ce côté, qu'est-ce que c'est que l'interprétation de la vérité, ce que je dois dire, ce que je dois pas dire. Et pour moi, c'est ça le cœur du film et c'est ça la thématique du film. Voilà. Tour final ? Oui, je sais que t'es pas d'accord, okay, mais j'ai bien compris. Tour final sur ce film, Sarah ? Je pense qu'on a tous beaucoup aimé ce film, on a trouvé le scénario brillantissime et ça laisse personne indifférent. Enfin, je trouve que c'est très très fort. Moi, j'adore les films de procès, donc en plus, c'est vraiment, j'étais servie. Non, j'ai trouvé ça brillant, j'ai passé un moment hyper fort, j'ai beaucoup aimé ce film. Ok, Fiona ? Oui, il mérite ses prix. Voilà. Après, moi, j'avoue qu'on m'en avait dit tellement. Mais encore une fois, je pense que si on m'avait rien dit, j'aurais encore plus préféré aimer le film. Là, on m'avait tellement dit c'est un chef-d'œuvre que j'ai peut-être été un petit peu déçue, moi, au moment de le voir. Mais quand j'en parle, je me dis que si, quand même, c'était vraiment très bien. Justement, encore une fois, l'inverse de Parasite. alors, c'est pas du scénario, mais il y a un détail qui, moi, m'a vachement mis à l'écart. À distance, c'est le look du fils. Non, mais c'est vraiment bête, mais ça m'a vraiment perturbé tout le film. Il a un look, sa coupe de cheveux des années. Ses yeux vitreux. 70. Enfin, je sais pas, on dirait un Stranger Things. Là, et ça m'a hyper perturbé. Je me dis, mais pourquoi il a pas l'air. Il a l'air vraiment d'un autre temps, cet enfant. Et ça m'a beaucoup perturbé. Oui, mais bon, ça va avec le lieu. Parce que le lieu est un peu paumé, un peu d'un autre temps. Ils ont pas vraiment d'amis, ils sont un peu tout seuls. Je trouve que c'est assez cohérent, en fait, avec l'univers. C'est vrai. Je vous cache pas que ça m'a dérangé tout le long. Et non, mais c'est vrai que. Ils sont tellement pris dans leur couple aussi qu'ils prennent pas la peine de l'aider à s'habiller, clairement. Le pauvre, il est là, il voit rien, il cherche. Ils vont ça avec ça. Non, ça ne va pas avec, mais tant pis. Mais comme lui, je vois pas. Non, mais très très bon film. Et effectivement, sur la justice, ça m'a fait penser. J'ai vu. Alors, j'ai pas vu Staircase, mais on m'en a parlé. Et je vois bien que ça résonne. Ça me résonne maintenant aussi. J'ai vu Outreau sur Netflix. Et c'est vrai que quand on parle de. Les gens parlent de Dupond-Moretti, les enfants qui disaient c'est le monstre qui vient. Enfin, Dupond-Moretti qui donc défendait les adultes. Enfin, les parties civiles, etc. Enfin, les adultes, pardon, s'en prenaient à. Enfin, il n'y allait pas de main morte parce que lui, comme on disait, il vient pour défendre son client et puis, tant pis, c'est les enfants morfles, quoi. Et donc, ça m'a fait penser un petit peu à ce procureur qui était très désagréable dans Anatomie d'une chute. En tout cas, très bon film. Voilà. Camille ? Moi, au contraire de Fiona, j'y suis allée pour faire plaisir à une amie et j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air très chiant. Je me suis film d'auteur relou. Palme d'or, tout ça. Non, c'était clair. J'étais là, Camille. Merci de m'oublier. J'étais là, Camille. Mais elle est enceinte. Mais oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis humiliée. Ok, je me rappelle pas du film, mais Camille se rappelle pas de moi, donc. comme Call Me By Your Name, oupsi, j'avais été traînée de force par Sarah, je lui en voulais déjà d'avance, en fait j'ai adoré. Et là j'ai été traînée un peu de force pour Anatomie d'une chute, et j'ai été fascinée par le film, et j'étais complètement prise dedans, donc c'était génial. Moi pareil, en général, moi les Palmes d'Or, je déteste ça, et j'ai été pris dans le film, je trouve que c'est un bijou d'écriture, et je pense qu'honnêtement c'était mon film de l'année 2023, en y réfléchissant, je n'ai pas trouvé de meilleur film. On vous remercie de nous avoir écoutés, on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.